Represent for the sincère. Yo, ma maison c'est le son, pas la gueule et les faux. Je les fauche donc, je les empute, les putes au mic, je les nique. Mon tic, c'est de dire suce ma. Je me sens sûr car je suis classe quand je casse. Des losers comme toi, je me fous pas car ça le vaut pas. J'entends tes risques qui rappent comme des merdes qui friment avec une rime. Demande-toi si t'es pas un de ceux qui bougent et sautent partout. Qui insulte un ennemi imaginaire qui au fond n'expose que son égoïsme. Qui ne sait pas quoi dire à part. Je suis le plus fort, je te bute avec ma clé armée de pompe. Si est Beretta, des lance-roquettes, nous on raquette et on se la pète. Demande-toi si c'est pas toi la pute qui racole les sorties d'école. Que ton album jamais décolle car t'es faux et l'auditoire le voit et n'aime pas ta voix. Moi, par toi, car je suis là pour éradiquer la race des MC qui contestent, qui pourrissent la culture hip-hop. Double H à la main, je défonce tout et je vous fuck. Pourquoi des pays dits civilisés acceptent sur son territoire des multinationales qui produisent en exploitant des enfants l'argent toujours au cœur du comportement des dirigeants qui pensent par le coffre fort, qui choisissent consciemment de faire du tort en acceptant sous condition les profits de ces sociétés sans morale ni respect. C'est sur ces bases que nos richesses sont fondées. Le social, ça coûte cher, la chair mort, ça rapporte pas un dollar. Alors qu'est-ce qu'on en a à foutre? On fuck tous ces bâtards, on les laisse crever, on les fout dans des fosses communes. La communauté, c'est la caisse à laquelle tu dois payer. C'est toujours comme ça, les impôts, tu crois que ça a été pas inventé? Pourquoi? À part pour nous pomper, quand le pays se fait endetter, c'est toujours sur nous qu'ils vont encore pomper. Ils te font croire que la sécu est plombée, qu'il y a un trou dedans, alors que ça a été créé par solidarité à une époque où le pays était complètement endetté, ruiné après la seconde guerre mondiale. Et maintenant, il voudrait te faire croire que ça ne fonctionne plus. Merde, je crois qu'ils se foutent de notre gueule. Ouais, gros, moi j'ai tout compris. Ils se servent allègrement dedans pour faire fonctionner le pays. Et ils ne désallaient, paye, rack encore, paye encore, paye. Je vais t'en pomper comme un bâtard. Quand je vais de Vaitra, je me fais pomper tous les mois. Au moins 200-300 euros du brut. Honnête, y'a plus rien qui reste. Alors ça me laisse en chien. Et du coup j'ai l'impression de bouffer que les restes. Et quand après, à la fin de l'année, ils viennent calculer mes impôts, c'est sur le brut qu'ils calculent. Alors ils calculent sur de l'argent que j'ai déjà donné. Du coup ça me donne envie de devenir complètement fou. Quand je casse une voiture de flic, je me dis c'est normal. J'ai payé assez cher, alors laissez-moi me défouler. Je veux de la chair, je veux me faire du commissaire. Je veux de la violence, je veux que mes nerfs explosent mon talent. Explose mon talent. Dis-toi que c'est du freestyle et que si je croque et que je mords, c'est parce que j'ai les dents qui dépassent trop et que je racle le parquet. Je racle le croquet. Ça m'empêche de bien parler. Bien parler.